Croissant de lune, comme un papillon blanc sur la lagune. Des herbes brunes qui dansent dans le vent au long des dunes. Manteau de brume posé sur l'horizon qui se rallume. Et sur la mer, 100 000 éclats de verre. Rose si fine, aux senteurs de velours sous tes épines. Belle opaline, à la lumière du jour qui s'illumine. Beauté sublime, des mots qui se retrouvent pour une rime. Sur un podium, un chanteur qui défait sa vie en somme. Et le mystère, un refrain de Schiller. Tant de choses qui ne servent à rien. Tant de détails. Celle de Dieu jusqu'à Amman. Parfum de femme, au détour d'une rue qui nous enflamme. Et qui se perd en bonheur éphémère. Viens, je t'emmène, marchons là où le vent nous entraîne. Des sirènes, des îles de l'océan si lointaines. Au matin blême, je te dirai doucement combien je t'aime. Mais pour te plaire, je donnerai la terre. Papillon blanc sur la lagune.